Bonsoir. Moi, je vais parler de la politique scientifique de l'Empire ottoman jusqu'à la fin du XIXe siècle. Georges Scholarios, conseiller en affaires théologiques de l'empereur de Byzance, Jean-Louis Paléologue, participa, comme d'ailleurs tous les importants savants byzantins, au concile de Ferrare-Florence, qui avait comme but l'union des églises catholiques et orthodoxes. Cette union était défendue par les derniers empereurs byzantins dans un effort exaspéré d'être appuyé par l'Ouest face à l'avancée ottomane. De retour à Constantinople, Scholarios, comme plusieurs autres partisans de l'union pendant le concile, changea de camp et devint ennemi acharné de l'église catholique. Après la conquête de Constantinople, Mohammed II le conquérant, enfin politicien qu'il était, chercha des moyens pour aliéner les Grecs des Occidentaux afin de réduire les chances d'une croisade des pays chrétiens contre les Turcs. Il fallait donc soutenir les ennemis de l'union des églises et Scholarios en était des plus notables. Mohammed, apprenant que Scholarios s'était fait prisonnier pendant le sac de Constantinople, le libéra, le plaça à la tête du premier millet de l'Empire ottoman et après l'avoir fait grimper rapidement tous les grades ecclésiastiques car il n'était même pas dans les ordres, il le fut nommé patriarche le 6 janvier 1454. L'Empire ottoman a fondé son organisation de domination sur le système de millettes, c'est-à-dire un système où le contrôle des populations non musulmanes était en grande partie délégué à leur chef religieux, nommé par le sultan. Le premier millet à être créé fut celui de l'église chrétienne orthodoxe, juste après la conquête de Constantinople, quand Mohammed le conquérant donna les privilèges à Scholarios. Suivirent le millet arménien et le millet juif. Les millets avaient leurs propres lois, par exemple, quand un membre d'un millet commettait un crime, la loi applicable était celle du millet de la personne lésée. Mais quand un musulman était impliqué, la charia chapeautait tout. Ils collectaient aussi leurs impôts en contrepartie d'une loyauté envers l'Empire et géraient leur système éducatif. Scholarios, dans la ligne « les Turcs valent mieux que les Latins », conserva des bons rapports avec le sultan. Ayant le contrôle du millet grec orthodoxe, il essaya de l'épurer des influences néfastes, qu'ils soient pro-latines ou hellénisantes, comme dans le cas de la renaissance scientifique des derniers siècles de Byzance. Ce facteur, de pair avec la fermeture de l'école impériale byzantine, la destruction des bibliothèques et la fuite des savants grecs en Italie, donna un coup d'arrêt brutal à la renaissance scientifique du temps des paléologues. Du côté ottoman, Mohammed le Conquérant, après le sacre réglementaire de 3 jours de la ville la plus splendide de l'Orient, a plutôt bien traité les quelques savants grecs qui n'ont pas réussi à s'enfuir. Le mathématicien et philosophe Georges Amirouzès est un dignitaire du dernier empereur de Trébizonde. Quand les Ottomans ont occupé la ville en 1461, ils l'ont capturé. On le retrouve le même été enseignant à Mohammed la géographie. Plus tard, il traduisit pour le sultan la géographie de Ptolémée et dressa une carte du monde. Devenu protégé du sultan, il avait même acquis assez d'influence auprès de lui pour faire et défaire des patriarches. L'intérêt de Mohammed pour la géographie est bien explicable. Cette science sert d'abord à faire la guerre. Mais les Turcs ottomans n'ont pas participé au développement scientifique de l'islam, exprimé surtout par les centres créés par des princes mongols comme Maraga, Tabriz ou Samarcande. Ils se trouvèrent à la périphérie de ce mouvement et en reçurent seulement les échos. Chez les Turcs ottomans, l'enseignement était fourni entièrement contrôlé par les madrassas, qui étaient les collèges religieux, et ceci jusqu'au XIXe siècle. Considérés comme les écoles supérieures de l'État ottoman, les madrassas turcs n'ont jamais atteint le niveau de celles de centres scientifiques de l'islam, comme par exemple la fameuse madrassa de Samarcande. Sous strict contrôle religieux, l'enseignement des sciences dans ces écoles connues pendant toute la durée de l'Empire ottoman, des hauts et des bas, selon les dispositions envers les sciences des différents sultans et selon les antagonismes des grands mouftis et des hauts fonctionnaires de l'État. Ce strict contrôle des sciences, à la fois par les religieux et par le sultan, ne fut pas le seul récif pour leur développement par les Turcs ottomans. Le puissant outil pour la propagation des idées après le XVe siècle, que fut l'imprimerie, fut prohibé pour les Turcs ottomans jusqu'au XVIIIe siècle. Le baron de Wisbeck, ambassadeur de l'empereur Ferdinand Ier après de Suleiman le Magnifique, nous en donne la raison. Je cite le de Wisbeck. L'impression véritablement et les horloges publiques n'y ont pas été approuvées par les Turcs. Mais la religion s'y est opposée, de peur que par l'impression leur sainte écriture cessait d'être l'écriture et que par les horloges publiques l'autorité de leurs ministres et de leurs sacristiens ne fût en quelque façon diminuée. Fin de citation. Et quand enfin en 1726, l'éclairé grand vizir d'Ahmad Ibrahim Pacha donna l'autorisation de fonder la première imprimerie turque à Istanbul, les savants des madrassas optèrent du grand mufti qu'il promulgua une fatwa interdisant que les ouvrages à tenue théologique, donc aussi à tenue juridique, y fussent imprimés. Une autre raison qui s'opposa au développement des sciences par les Turcs ottomans au Ier siècle fut l'antagonisme de l'Empire avec Byzance, ressenti même après leur victoire définitive sur ce dernier. À des rares exceptions près, les sultans et les autorités religieuses ont gardé l'enseignement des Turcs éloigné de toute influence de la culture grecque des Byzantins. Ainsi, dans les années cruciales pour la Renaissance, que furent celles qui suivirent la chute de Constantinople, érudits et manuscrits byzantins prirent la route de l'Occident pour y favoriser le développement des études helléniques, et Mohammed n'a pas pu suivre une politique adéquate pour garder ce patrimoine scientifique et le développer en sa faveur. Ainsi, l'Empire ottoman, malgré le fait qu'il avait presque toute la totalité des Grecs comme sujet, ne put s'associer au mouvement de la Renaissance de la culture hellénique entamée en Occident. À ce mouvement s'associeront les érudits grecs de l'Empire, mais comme entité à part, comme représentants de la communauté grecque orthodoxe de l'Empire ottoman, associés à la communauté grecque de Venise. Ils vont utiliser le mouvement humaniste, non pas pour le développement culturel de l'Empire ottoman, mais soit pour renforcer leur influence auprès du sultan, comme experts et savants, soit pour perpétuer des scénarios de renversement du pouvoir ottoman à des époques où celui-ci semblait inébranlable. Vu la division de l'Empire en millettes et l'indépendance de l'enseignement des orthodoxes, les communautés chrétiennes et musulmanes de l'Empire ont suivi des chemins tout à fait séparés en ce qui concerne les sciences. Pendant le XVIIe et le XVIIIe siècle, la science des chrétiens orthodoxes a plutôt été intégrée à la vie de l'université de Padoue, lieu préféré pour les savants orthodoxes qui ont pu suivre des études supérieures. Tous ces facteurs empêchèrent la participation des Turcs ottomans au développement de la science européenne jusqu'au dernier quart du XVIIIe siècle. À cette époque, sous la pression ressentie par l'écart du développement entre les États européens et un empire obsolète et en pleine décadence, voient le jour les premiers efforts d'une modernisation scientifique qui équivaut à un effort d'assimilation de la science et de la technologie européenne. Mais avant d'en arriver là, nous essayerons de retracer les grandes lignes de l'histoire de la science chez les Turcs ottomans en insistant sur le fait que, vu la politique de l'Empire, l'histoire des sciences des différents peuples qui contrôlaient, qui est en fait l'histoire de l'enseignement des sciences, ne constitue pas une histoire unique. En effet, surtout deux systèmes qui ne sont pas communicants s'y trouveront en parallèle. Celui dont l'enseignement grec qui se confond jusqu'au milieu du XIXe siècle avec l'enseignement de tous les peuples de religion orthodoxe de l'Empire et celui de l'enseignement turc des madrassas que vont suivre tous les musulmans de l'Empire. La première madrassa turque ottomane fut fondée à Nicée peu après la conquête de cette ville en 1332. Les sciences rationnelles, théologie musulmane, logique, métaphysique, astronomie et mathématiques et médecine, y étaient enseignées en arabe. Vu la proximité culturelle, les madrassas turques ottomanes ont eu certains rapports avec la fameuse madrassa de Samarcande pendant le XIVe et le XVe siècle. Les plus illustres savants turcs ottomans de cette époque, Kadizade Rumi, s'établit à Samarcande où il professa à la madrasa, collabora à l'établissement des tables astronomiques du Lugbeg et dirigea le nouvel observatoire de la ville. Fath Allah, qui au temps de Murad II au XVe siècle enseigna l'astronomie et la géométrie non élémentaire, fit aussi ses études à Samarcande auprès de Khadija du Rumi. Ce qui est significatif pour la rigidité des madrassas au cours des siècles, c'est que les deux livres de Fath Allah, l'un qui commente les théorèmes d'Euclide et l'autre qui commente l'astronomie de Kagimini, seront enseignés jusqu'au XXe siècle. Mohammed le Conquérant, après la conquête de Constantinople, reforma les madrassas en séparant les sciences élémentaires des sciences pures et en fondant dans cette ville une sorte d'université qui comprenait 8 madrassas. Il s'assura, contre une très importante rémunération, les services d'un grand savant de Samarcande, Ali Kouchi, dont les manuels d'arithmétique, algèbre et astronomie furent enseignés, comme ceux de Fath Allah déjà cités, jusqu'au XXe siècle. Pendant le siècle qui a suivi la mort de Mohammed le Conquérant, le timide intérêt pour les sciences manifesté sous son règne alla en décroissant, tandis que le contrôle religieux se renforça. Lufti Lokadi, nommé par Mohammed bibliothécaire de la première bibliothèque publique de l'Empire, et par son successeur Bayazid II, professeur au complexe de l'Imadrasa, avait, paraît-il, des idées libérales en matière de religion. Ses rivaux en profitèrent pour le calomnier. Il fut jugé par le divan, qui est le grand conseil des vizirs du sultan, qui le condamna à mort. Il fut décapité à l'hippodrome de Constantinople. Mais d'un autre côté, le même Bayazid II, qui condamna Lufti, commanda au mathématicien Tchelebi d'écrire un commentaire sur les tables astronomiques du Lugbeg, qui celui-ci produisit un pavé de 445 pages en 1486. Nous avons très peu d'ouvrages turcs ottomans concernant les sciences pendant le XVIe siècle, qui pourtant fut le siècle d'apogée de la puissance de l'Empire ottoman. L'intérêt des sultans pour les sciences se limita à la cartographie, chose naturelle pour un Selim Ier le Vigoureux, qui voulait régner sur tous les musulmans. Ce siècle, marqué par Suleyman II le Magnifique, fut plutôt un siècle littéraire par les Turcs ottomans. Pourtant, vers la fin du siècle, un événement majeur pour les sciences eut lieu à Constantinople, qui montre en même temps les limites imposées par les hautes autorités religieuses. Celui de la fondation du premier observatoire de l'Empire ottoman, suivant la grande tradition des fameux observatoires islamiques. Taqi al-Din Muhammad al-Rashid ibn Maruf, juge en Égypte, vint à Constantinople où il persuada le grand vizir de Murad III de la nécessité de fonder un grand observatoire pour calculer les nouvelles tables astronomiques fondées sur des nouvelles observations, car les tables existantes étaient périmées. Le divan approuva en 1575 et l'observatoire fut terminé 2 ans plus tard. Je rappelle qu'exactement à la même époque, en 1576, Tycho Brahe construisit son fameux observatoire à l'île de Hven. L'observatoire d'Istanbul, qui est à comparer avec celui de Malaga et Samarcande, fut conçu comme une institution d'État. Taqi al-Din, qui était son directeur, eut un grand domaine pour subvenir à ses besoins et 15 astronomes composèrent le personnel scientifique. D'après le chroniqueur Al-Mansour, dès que la construction de l'observatoire fut complétée, on commença les observations pour la détermination des positions stellaires et planétaires, leurs dimensions et leurs distances. Taqi al-Din observa aussi la fameuse comète de 1577 et prédit toutes sortes de bonnes choses pour le sultan, comme la victoire sur les Perses. L'armée turque vainquit en effet l'armée persane, mais elle subit certains contretemps. En même temps, la peste se manifesta et enfin des grands dignitaires commencèrent à mourir l'un après l'autre. Ces faits furent exploités par le rival du grand vizir, le shaykh al-Islam Qadizada, qui argumenta au sultan que les observatoires ont porté malheur aux états qui les ont fondés. La décision fut sans appel. L'observatoire fut démoli jusqu'à sa dernière pierre en 1580. Ainsi s'est termina la première tentative de création d'une institution spécifiquement scientifique dans l'Empire ottoman. Cette institution fut créée dans la tradition de la science islamique. Le prochain effort, qui fut aussi son succès un siècle plus tard, voudra la création d'un observatoire dans la tradition de la science européenne. Les décennies qui vont suivre la démolition de l'observatoire de Constantinople seront plutôt marquées par une réaction des autorités religieuses contre certaines déviations des savants qui amèneront à la prononciation des peines capitales. Mais il faut voir que dans certains cas, comme celui de l'observatoire, ce furent plutôt les rivalités du palais qui fixèrent leur sort, ou aussi, comme dans le cas des alchimistes qui n'ont pu fabriquer de l'or, la colère du sultan. Jusqu'au XVIIe siècle, l'histoire des sciences chez les Turcs ottomans se développe tout à fait indépendamment de celle de l'Europe occidentale, comme si ces deux mondes ne se connaissaient point. Pourtant, les contacts commerciaux et politiques ont été importants pendant toute cette période. Il faut remarquer que jusqu'au XVIIe siècle, les sciences n'ont pas été considérées comme un outil pour la politique extérieure des pays. C'est l'avènement de la nouvelle science au XVIIe siècle, l'émergence pendant la même époque d'une communauté scientifique européenne, l'importance du mécénat scientifique et le prestige que les nouvelles découvertes ont commencé à donner aux princes mécènes qui ont amené les sciences à jouer un rôle important dans le jeu de puissance. L'influence des jésuites a clairement donné l'exemple avec sa politique chinoise au XVIIe siècle. La mission devrait viser le milieu social le plus élevé de la société chinoise et afin de l'influencer, un moyen majeur, les sciences, surtout l'astronomie et les mathématiques, et la technologie. Cette politique n'a pas atteint son but, celui de la christianisation de la Chine, mais elle a mis le pays en contact avec la nouvelle science et la technologie européenne. Dans l'Orient ottoman, les missions jésuites n'ont pas eu la même influence. Tout d'abord, le sultan avec ses propres sujets chrétiens, les Grecs orthodoxes, dont il contrôlait la hiérarchie religieuse en nommant le patriarche. L'institution patriarcale fut utilisée plusieurs fois pour la politique européenne de la Sublime Porte. Ensuite, en ce qui concerne les sciences et la technologie, les Turcs ottomans pouvaient, par leur contact direct avec l'Occident ou par l'intermédiaire des sujets grecs de l'Empire, avoir des informations sans passer par les missions religieuses étrangères. La seule initiative des Européens concernant la nouvelle science dans l'Empire ottoman pendant le XVIIe siècle vint en 1630 de l'ambassadeur du roi de France, Henri de Gournay, comte de Marcheville. Le biographe de Descartes, Baillet, décrit à la fin du XVIIe siècle cette entreprise, je cite. Ce comte qui n'avait pas moins de générosité pour avancer les sciences songeait à rendre son ambassade remarquable, surtout par le nombre et le mérite des savants qu'il prétendait mener à Constantinople et dans le Levant. M. Gassendi était retenu pour faire le voyage et il en avait déjà écrit à ses amis d'Allemagne et des Pays-Bas pour leur offrir ses services dans tous les lieux où il devait aller. L'on ne parlait de rien moins que d'enlever à l'Orient tous ses manuscrits et ses autres raretés concernant l'avancement des sciences. Le comte de Marcheville fit prier M. Descartes de vouloir bien honorer l'ambassade de sa compagnie. Pour de diverses raisons, le projet du comte de Marcheville échoua. Il ne put amener avec lui que François Galou de Chasteuil d'Aix, gentilhomme qui avait abandonné l'étude des sciences pour s'adonner à la religion, et le père minime Théophile Minuti, expert en manuscrits orientaux. Malgré cet échec, le projet du comte de Marcheville montre l'importance attachée aux sciences comme élément de prestige d'une ambassade et en même temps leur côté curiosité. À l'époque de cette ambassade, Kochi Bey se plaignait dans un mémorandum présenté au sultan Murad IV du déclin intellectuel de l'Empire. Après le règne de Suleiman le Magnifique, les sciences et la philosophie n'étaient plus enseignées dans les madrassas. Le premier contact des Turcs ottomans avec l'idée centrale de la nouvelle science, celle du système copernicien, fut mis à jour par Ekmeddin İhsanoğlu dans son article de référence Introduction des sciences occidentales dans l'Empire ottoman. Le scribe officiel et amateur d'astronomie, Teski Zerekose, traduit en arabe dans les années 1660 un ouvrage de l'astronome français Noël Duret. Dans son introduction, Khosrow Ibrahim énumère les principaux efforts de construction des tables astronomiques, dits par Kepler, en mentionnant brièvement le système héliocentrique. Son but est loin d'être cosmologique. Il n'est préoccupé que par l'efficacité des nouvelles éphémérides, qui d'ailleurs sont calculées sur le mode géocentrique. Il faut noter que les rares contacts de la science européenne avec celle des Turcs ottomans ont surtout leur origine dans l'intérêt de la sublime porte pour les cartes géographiques. On doit la deuxième mention d'un auteur turc au système copernicien à un cadeau offert en 1668 par l'ambassadeur des États généraux de Hollande, Justin Collier, au sultan Mohamed IV. Il s'agit de l'Atlas Major de Juan Bleu. Le sultan commanda en 1675 à Abou Bakr de traduire l'ouvrage, chose accomplie une décennie plus tard. Abou Bakr y résume le court passage de Juan Bleu, exposant le système copernicien en mentionnant seulement l'existence d'une doctrine supposant le soleil au centre du monde. La première tentative de l'Empire ottoman de changer sa politique de négligence envers la science fut entreprise à l'époque du grand vizir éclairé que fut Damad Ibrahim Pacha entre 1718 et 1730. Dans le domaine du livre, le grand vizir donna en 1727 l'autorisation à Ibrahim Muteferrika, un Hongrois prisonnier de guerre qui avait racheté sa liberté en se convertissant à l'islam, de fonder la première imprimerie turque à Constantinople. L'imprimerie survivra à la rébellion qui mettra fin au pouvoir de Damad Ibrahim Pacha en 1730, une réforme qu'il entreprit, et du vivant de Muteferrika, deux livres de sciences vont être imprimés. Il s'agit d'un livre de Hagi Kalfa, savant turc du début du XVIe siècle, complété par des commentaires de l'éditeur, lequel présente brièvement le système copernicien, les tourbillons de Descartes, les réfutations galiléennes contre la physique d'Aristote et le magnétisme. Le deuxième livre, écrit par Muteferrika lui-même, intitulé « L'utilité du magnétisme », présente la déviation de l'aiguille de la boussole à Constantinople à cette époque. Après ce travail de pionnier, il faudra attendre la fin du siècle pour voir apparaître le troisième livre imprimé de science chez les Turcs ottomans. En fin de compte, la science européenne va être diffusée chez les Turcs ottomans à travers l'armée. L'introduction des sciences et des techniques dépendra des tentatives de modernisation de l'armée et des réactions brutales à ces tentatives de la part des janissaires. Un premier projet de réformer l'armée fut soumis à Damad Ibrahim Pacha en 1716 par l'officier français de Rochefort en vue d'établir une troupe d'ingénieurs étrangers au service de la porte. Ce projet n'eut pas de lendemain. Mais en 1735, le corps d'artilleurs fut réorganisé par un général français, Claude-Alexandre Comte de Bonneval, qui embrassa l'islam et se fit appeler Ahmed. Ahmed Bonneval organisa à Constantinople l'école pour l'enseignement du corps des bombardiers, où les mathématiques étaient enseignées à l'aide des œuvres européennes. Mais la vie de cette école fut brève et les élèves furent dispersés par crainte d'une agression de la part de janissaires, oscille à toute réforme de l'armée. Dans les années 1770, le baron de Toth, hongrois d'origine, gendre de l'ambassadeur de France de Vergennes, entra au service de Mustapha III qui lui demanda d'établir une école de géométrie pour la marine impériale, créée finalement en 1775. De Toth, dans ses mémoires, décrit l'ignorance des savants mathématiciens de l'Empire qui ne connaissaient pas la valeur de la somme des trois angles d'un triangle, mais soulignent en même temps leur zèle. Il enseigna une année et fut ensuite remplacé par l'officier turc Seyyid Hassan. Mais des Français vont aussi enseigner, comme Jean Lafitte Clavé, inspecteur général des fortifications de France, dans le cadre de l'appui fourni à cette époque par la France à l'Empire ottoman pour contrer l'expansion de la Russie. Le sultan réformateur Selim III fonda en 1796 l'école du génie militaire à la Corne d'Or, qui fut le premier établissement à suivre un enseignement des sciences selon les méthodes en cours en Europe occidentale. Sid Mustapha, un des premiers diplômés de l'école du génie et ensuite professeur, publia en 1803 une brochure en français diatribe de l'ingénieur sur l'état actuel de l'art militaire, du génie et des sciences à Constantinople, où paraît l'enthousiasme pour l'introduction des sciences occidentales dans l'Empire ottoman. Presque en même temps que l'école du génie, en 1797, une imprimerie indépendante fut fondée à Scutari, le côté asiatique du Bosphore. Dans cette deuxième imprimerie turque, fut publié un livre d'éléments de géométrie, qui est une traduction du manuel anglais de John Bonnycastle. Jusqu'en 1806, cette imprimerie publia 5 livres de mathématiques. La révolte des janissaires contre la réforme des modernisations coupera de nouveau court à ces tentatives de développement scientifique. Des professeurs comme Seyd Mustafa tomberont sous le poignard des rebelles. Il faudra attendre 1826 quand le sultan Mahmoud II abolira le corps des janissaires et surtout, en 1839, quand les réformes tanzimates furent proclamées pour que le mouvement reprenne. Cette fois, il sera continu et intégrera la Turquie à la communauté scientifique européenne. Juste après l'abolition du corps des janissaires, les 4 premiers étudiants turcs furent envoyés en 1827 aux frais de l'État pour suivre leurs études à Paris. Jusqu'en 1839, année de la proclamation des premières réformes, 36 étudiants furent envoyés à Londres, Paris et Vienne. Le but de l'État ottoman était de former des ingénieurs militaires pour être employés par les manufactures d'armes et de munitions qui avaient été modernisées du temps de Selim III. Mais assez rapidement, la manufacture d'armes passera au deuxième plan. L'armée ottomane, en se modernisant, dépendra de plus en plus de la technologie militaire occidentale. Les premiers étudiants qui ont suivi les cours dans les domaines autres que la technologie militaire va être envoyé en Europe occidentale et centrale par l'État ottoman après la réforme des Tanzimates. Parmi eux, il y aura cette fois des non-musulmans. À la Sorbonne, à l'école polytechnique et à l'école des mines, nous rencontrons pendant la deuxième moitié du siècle des Grecs envoyés par l'État ottoman qui rentreront servir cet État, comme Alexandre Karatheodori, qui deviendra ministre des Affaires étrangères de l'Empire. Parfois, ils continueront leur carrière dans le public ou dans le privé, dans la Grèce indépendante. La destination préférée pour les étudiants turcs ottomans fut au XIXe siècle Paris. Universités et grandes écoles, mais aussi apprentissage technique spécialisé dans les manufactures et l'industrie. Entre 1848 et 1864, 111 sujets ottomans ont été envoyés à Paris, soit pour suivre des études d'un niveau universitaire, soit pour un apprentissage technique, par exemple de la tapisserie et le textile. Le pourcentage entre ces deux domaines fut à peu près équilibré. Nous trouvons à Paris 42 sujets ottomans dans l'université et les grandes écoles, contre 51 à suivre un apprentissage technique. Vu les besoins à nouveau de l'État ottoman en ingénieurs et en scientifiques, et vu la presque totalité, la presque inexistence d'un système éducatif du niveau secondaire de l'Empire, en 1857, une école ottomane fut fondée à Paris pour préparer les Ottomans à suivre les cours des écoles et universités françaises. L'enseignement secondaire dans le sens moderne du terme commença à s'organiser dans le monde ottoman après 1845. À cette date, le sultan Abdülmecid, devant la déchéance de plus en plus rapide de l'Empire, dû en partie à l'écart scientifique et technologique de plus en plus grand avec le reste de l'Europe, forma une commission pour la réforme de l'éducation. Le résultat fut la création d'un conseil pour l'instruction publique qui fut placé sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères qui essaya surtout d'organiser l'enseignement secondaire. En 1852, 10 écoles secondaires existaient déjà dans l'Empire. Le même conseil pour l'instruction publique jeta en 1846 les bases pour la création d'une institution appelée Darul Funun pour la formation des cadres de l'Empire. Cette sorte d'université commença à fonctionner en 1863. En cette même année, le premier cours de physique et chimie était donné par Dervish Pacha, qui avait étudié la chimie et l'exploitation minière à Londres et à Paris. Après certaines péripéties, par exemple, l'imposant bâtiment destiné à l'université fut donné au ministre des Finances et celui qui l'accueillit brûla. Un bâtiment fut construit pour l'université en 1869, en même temps qu'un décret qui la réorganisa et la rebaptisa Université ottomane. d'après cette réorganisation où l'influence française était présente, les études duraient 4 ans et 3 départements seraient créés, sciences naturelles et mathématiques, philosophie et littérature et droit. Mais le manque de professeurs, mais aussi d'étudiants qualifiés, amena à ce que l'institution ne pût fournir qu'un cursus unique pour tous. En 1873, l'institution changea encore de nom, d'organisation et de place. Elle fut appelée Université du Sultan. Elle fut divisée en sciences, droit et littérature. Elle fut installée à la place du lycée impérial de Galatasaray, fondé en 1868. Mais quand la nouvelle institution ouvrit ses portes en 1874-75, seule une section lettres et des travaux publics purent fonctionner. De plus, de 47 étudiants qui furent admis en cette première année, moins de la moitié furent des Turcs ottomans. Les autres appartenaient aux populations chrétiennes de l'Empire. En 1895, le grand vizir Saïd Pacha s'adressa au sultan Abdulhamid II pour demander la création d'une véritable université suivant le modèle européen. Le noyau de cette institution sera enfin créé en 1900 sous le nom de Darul Funun il-Sahane, qui veut dire université impériale. Au tournant du siècle, le système éducatif ottoman aura donc enfin intégré la science européenne. La réception de cette science suivra de très près les efforts de modernisation de l'Empire ottoman, entrepris dès le XVIIIe siècle, mais qui connut des réactions de toutes sortes, religieuses, sociales, politiques. Ces réactions ne seront définitivement balayées que par le mouvement national des néo-turcs de Kemal Atatürk, qui aboutira à la création de l'État turc laïque. Merci.